L'Office de Radiodiffusion Télévision Française présente, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Théâtre et Université, une émission d'Éléonore Kramer. Vous entendrez aujourd'hui Cinna, tragédie de Pierre Corneille, jouée au Théâtre Mondory à Barentin, dans le cadre du 10e Festival Corneille, dans la distribution suivante. Octave César Auguste, empereur de Rome, Michel Etcheverry, sociétaire de la Comédie Française, l'impératrice Livie, Jacqueline Morane, Cinna, Simon N. de la Comédie Française, Maxime, Stéphane Fay, Émilie, Bérangère d'Autun de la Comédie Française, Fulvie, confidente d'Émilie, Christiane Vallon, Polyclète, affranchie d'Auguste, Jean-Jacques Le Guen, Évandre, affranchie de Cinna, Jean Péméja, Euphorbe, affranchie de Maxime, Jacques Brunet, mise en scène de Jean Serge. La tribune libre de Théâtre et Université réunira autour de Philippe de Chartres, Monsieur le Président André Marie, Édouard Lebas, Président du Cercle Pierre et Thomas Corneille, Jean Serge, Michel Etcheverry. Veuillez écouter tout d'abord un avant-propos de Marcel Giraudet. L'Université réserve d'ordinaire au grand Corneille une admiration solide et quelque peu routinière, qui ne va point sans une certaine dose d'indifférence et d'incompréhension lorsqu'on arrive au stade de l'élève. C'est contre cela que le président André Marie a voulu réagir il y a bien longtemps déjà. Normand et lettré, promoteur d'associations de culture populaire et universitaire, il a créé à Barentin, il y a 10 ans, un festival qui, chaque année, donne une exemplaire représentation d'une œuvre de Pierre Corneille et une autre de Thomas Corneille, dont la réputation et la maîtrise étaient bien établies au XVIIe siècle finissant. Barentin avait surtout jusqu'ici monté des tragédies peu connues. Cette année, pour clore 10 ans de recherche et de réussite souvent remarquables, Jean-Serge a mis en scène Cinna. Cinna avec Horace, Polyeucte et Pauline, Cinna et Auguste resteront, quoi qu'on dise, des types cornéliens du héros tragique. Dans leur démarche et leur caractère, il y a la marque profonde des préoccupations du monde bourgeois et de la noblesse de ce temps. Les esprits, à la fin du règne de Louis XIII, entre 1636 et 1643, dans une monarchie encore bien fragile, dans une époque où la psychologie de la passion, où le rationalisme émigrait des romans pour entrer dans la vie, les esprits à la mode se sentaient attirés par les complots contre la couronne, par les appels machiavéliques des Espagnols et des Florentins. Qu'est-ce donc qu'un héros pour eux qui lise avec ivresse le grand Cyrus et la Clélie ? Sinon, un homme orgueilleux et ambigu, qui doit, par ses actions, servir à la fois sa valeur et son roi. Un homme sensible aussi, capable d'aimer et de vouloir tous les sacrifices pour celle dont il rêve et qu'il a choisi. Un homme enfin en marche vers une société meilleure, plus noble, vers une monarchie plus solide, vers un pouvoir mieux associé aux vertus réelles des sujets qui le respectent et le craignent. C'est bien là, disons-le, tout le problème de Cinna. S'il donne son nom à la pièce, c'est qu'il n'est pas un être tellement exceptionnel comme Horace ou Polyeucte, mais il reste, selon la morale éternelle et communément admise, prisonnier de sa condition, de ses tendances et de son instinct, pliant mal, car c'est encore un homme très jeune, ses mouvements passionnels à une raison peu informée et peu sûre de sa rectitude. Auguste aura vite fait d'éclaircir tout cela et de noyer dans un grand geste de clémence tout ce qui reste en vérité inconciliable dans ses destinées. Quel beau prétexte à déclaration, quel beau crime imparfait. Puissance, pouvoir, tyrannie, république, grandeur et assassinat, amour et clémence, la grande histoire et les grands héros restent encore, Corneille nous le prouve souvent, la trame la plus riche et les personnages les plus attirants des beaux romans que se racontent ou que se jouent les hommes. L'empereur Auguste règne sur Rome. À sa cour vit Émilie, qu'il traite comme sa fille.

Ce qui a été important dans votre travail, c'est que non seulement vous êtes éloigné d'un certain nombre de facilités qui appellent, comme vous dites, les applaudissements, mais en même temps, vous vous êtes échappé d'un certain formalisme poétique. Et c'est par là que vous avez retrouvé, je crois, la vérité poétique de Corneille. Ce qui m'a frappé dès les premiers vers, c'est cette espèce de réalisme extrêmement violent, n'est-ce pas, qui habite tous les protagonistes de l'œuvre. N'est-ce pas. Et je pense que ceci n'efface pas la poésie, parce qu'on retrouve à travers cette poésie authentique la vérité du cœur. Et il me semble que c'est cela qui est particulièrement réussi dans votre entreprise de ce soir. Je voudrais maintenant demander à Édouard Lebas, qui, en tant qu'universitaire, a une vieille pratique du texte et de la critique et de l'exégèse de Cinna, je voudrais lui demander ce qu'il a vu, lui, familier de cette œuvre, de nouveau à travers la représentation que nous avons eue ce soir. Édouard Lebas. Eh bien, je n'ai rien vu de nouveau en ce qui concerne ma personne, car la mise en scène de Jean-Serge et l'interprétation remarquable des acteurs correspond exactement à ce que je pense de Corneille. Corneille est pour moi un auteur exceptionnel et par conséquent, tout ce que vous avez dit, c'est tout à fait ce que je pense. Mais j'ajouterai tout de même, à propos de cette représentation exceptionnelle, qu'elle mette au point certaines choses que notre université ne met pas au point quand il s'agit de l'enseignement. On dit « Cinna ». Et on ajoute aussitôt « ou la Clémence d'Auguste ». Et on dit aux élèves « le personnage principal, c'est Auguste, et en dehors d'Auguste, il n'y a pas de personnage. Le reste, c'est inconsistant ». Eh bien, je crois que c'est à juste titre que Corneille a mis les deux titres, « Cinna » ou la Clémence d'Auguste ». Et je voudrais remarquer que « Cinna » est avec Auguste le grand personnage de la pièce et que ce personnage est étudié comme dans toutes les pièces de Corneille, même celles qu'on ne connaît pas à tort, est étudié d'un point de vue humain d'une façon exceptionnelle. Cinna, c'est un pauvre type, mais très humain, qui se trouve en face d'une femme, comme sont la plupart des femmes cornéliennes, très autoritaire, et qui essaie par tous les moyens, parce qu'il l'aime, de l'amadouer, de l'adoucir, et il n'y arrive pas. Il en est très malheureux. Et cette douleur de Cinna, ce malheur de Cinna qui se traîne à travers la pièce pour essayer de se sauver et de sauver son amour, m'a touché profondément dans la façon dont l'acteur Simon Hen a traduit la mentalité de cet homme. Cet homme qui ne demande qu'à être heureux et qui ne peut pas être heureux parce qu'il a une femme impossible. Car je crois qu'Émilie est, comme beaucoup de héroïnes corneliennes, des femmes impossibles, qui sont d'ailleurs des femmes très humaines et très exactes. Donc je crois que Cinna est un personnage d'une importance exceptionnelle dans la pièce intitulée Cinna. Et évidemment, elle permet à Auguste, et Michel Etcheverry va le dire tout à l'heure, Michel Etcheverry qui a créé, fait une création sensationnelle du personnage, qui lui aussi n'est pas un héros, est loin d'être un héros, c'est aussi un malheureux, cet Auguste qui se cherche, n'est-ce pas, qui déclare qu'il est le maître de l'univers alors qu'il ne l'est pas, qu'il essaie de l'être, quand il dit « je veux l'être », ça veut dire « j'essaie de l'être ». Eh bien, je crois que ces deux personnages prouvent ce qu'on a longtemps ignoré dans notre enseignement, le réalisme formel, le réalisme foncier du théâtre de Corneille. Quand on vient nous raconter que, je ne sais plus, je crois que c'est Amiel qui dans son journal a dit « Corneille, les personnages, ce sont des idées héroïques et non pas des êtres », je crois qu'il a commis une erreur. Les personnages de Corneille sont des êtres de chair, ce sont des êtres qui souffrent, qui se débattent, qui se battent. Et je crois que justement le grand mérite de la mise en scène de Jean-Serge et de l'interprétation de ces acteurs que nous avons vus aujourd'hui au 10e festival, c'est nous avoir montré que vraiment le théâtre de Corneille est un théâtre humain par excellence. Il est toujours très difficile de demander à un comédien de prendre ses distance critique par rapport à son propre personnage. Mais je crois qu'il serait intéressant pour notre débat que Michel Etcheverry nous dise comment il voit Auguste après l'avoir joué avec cette richesse, cette exactitude et cette spontanéité qu'on l'a vit sur la scène, mais comment il réagit par rapport à l'étude critique de son personnage, Michel Etcheverry. Il est très difficile de répondre, mais je voudrais donner mon opinion de comédien. Et je pense qu'un comédien est, par excellence, ou devrait être à mon sens, un être qui surtout ne pense pas, mais qui sent et qui agit. Le problème pour moi n'est donc pas de comprendre Auguste, parce que je ne le comprendrai jamais, bien qu'il soit beaucoup plus vivant et beaucoup plus présent que moi, qui lui prête momentanément mon apparence, ma voix, etc., en essayant de ne pas lui prêter mon accent du midi. Mais je crois qu'il s'agit d'un effort physique, et que le rôle du comédien doit être de prêter physiquement sa présence, et pas du tout sa sensibilité ou son intelligence. Corneille a eu de la sensibilité, de l'intelligence, et de tout ce qu'on veut, pour encore beaucoup de générations. Racine aussi, Molière aussi. Mais pour moi, le problème est que je vois un homme qui, au moment où il commence à parler, est proprement à la fin de sa vie. C'est une sorte de suicidé moral. Il est physiquement fatigué, je ne veux pas dire qu'il est vieux ni qu'il est sénile, mais physiquement, il y a une énorme lassitude. Il y a surtout ce fait assez exceptionnel d'un homme qui, parvenu au comble du pouvoir, avec ce que ça peut représenter un empereur romain qui est vraiment le maître de l'univers et qui découvre la vanité de ce pouvoir. Il y a presque là une démarche, une première démarche vers une spiritualité qui ne peut pas prendre une forme particulière dans Cinna. Mais Auguste va avoir une seule référence en permanence et le seul dialogue qu'il ait, c'est avec le ciel. Quand ça va très mal pour lui, c'est-à-dire quand il n'arrive pas à regrouper des gens autour de lui, et qu'à chaque instant, il se retrouve dans une solitude que je trouve abominable, qui est peut-être la solitude de l'homme qui a tout réussi. Mais comme il a tout réussi, il est tellement haut que personne n'a pu arriver à son altitude. Et l'air qu'il respire à ce moment-là est proprement irrespirable. Il veut redescendre. Il veut redescendre, mais ce n'est pas une démarche qu'il veut faire seul. Il est obligé de s'appuyer sur des gens. Ce que je trouve admirable, c'est que ces espèces de cannes morales qu'il va prendre vont se révéler absolument inexistantes. Et ce qui va être, comment dirais-je, extrêmement bouleversant dans sa démarche, c'est qu'il va être obligé, non seulement lui, de faire le chemin seul, mais en même temps d'assumer la propre grandeur et de Cinna et d'Émilie. Mais au moment où la pièce débute, ça n'est donc pas un héros. Cinna n'est pas un héros, c'est un conspirateur par amour. Quant à Émilie, elle a reçu une mauvaise éducation. Elle vit depuis 18 ans en se disant « il faut que je venge papa ». Ce qui est vraiment une manière très fausse d'envisager la vie. Mais à mesure que la pièce va avancer, et uniquement par des moteurs humains, uniquement par des réactions, mais d'une humanité, je ne dirais pas banale, mais d'une humanité qui pourrait être l'humanité de chacun, ces gens vont réagir devant la situation et se dépasser à chaque instant, se dépasser et atteindre une grandeur dont Auguste doute peut-être. C'est comme si des peaux malsaines leur tombaient. Il y a une espèce d'esquamation comme ça du personnage. Et on arrive à la fin à trouver une espèce de montée dans la grandeur, mais qui s'est faite au prix d'une quête enfin extrêmement laborieuse. Vous comprenez, c'est vraiment la quête du Graal avec ce que ça suppose de remise en question. Puisqu'au milieu de la pièce, Cinna dit « Moi, je ne peux pas le tuer, je préfère me tuer. » Et qu'Auguste dit « Moi, je ne veux plus vivre, je vais me tuer. » On ne peut pas dire que des gens qui ont la, je ne dirais pas la vocation, mais la tentation du suicide à ce point-là, puissent passer pour des héros. Ce qui est prodigieux, c'est que 20 minutes après, la grandeur les submerge. Et alors, vous avez fait une petite incidence sur les femmes de Corneille, et je voudrais quand même là ouvrir aussi. Vous dites que les femmes de Corneille sont insupportables, ça, je ne le crois pas du tout. Ou bien, quand elles sont jeunes, elles ont une espèce de vitalité, qui doit être la vitalité des jeunes filles que connaît Corneille, et Dieu sait qu'il en a bien parlé. Mais aussi que dans un personnage moins jeune, comme celui de Livy, et qui me paraît un personnage capital, car c'est elle qui, avec une discrétion, avec ce que l'amour suppose d'abnégation, de renoncement, d'effacement, elle va dire, mais très simplement, soyez clément, et sans insister. Elle connaît bien son mari, elle sait qu'il ne va pas dire oui, mais qu'il le fera. Et je crois qu'il y a un germe qu'elle dépose comme ça, très discrètement, avec une pudeur et avec une élégance d'âme que je trouve, moi, très exceptionnelle, et qui va faire son chemin très lentement. Et Auguste va se trouver envahi par cette clémence qu'il n'aurait pas acceptée, qui n'est pas pour lui un secours et qui n'est pas non plus une manœuvre politique. Mais au sommet où il est arrivé, c'est vraiment le seul oxygène qu'il puisse tout d'un coup respirer. Il lui est apporté par sa femme. Il me paraît très important de le dire quand même. Édouard Lebas. Alors, j'ai dit que les femmes de Corneille étaient, non pas toujours, mais souvent insupportables par leur autoritarisme. Il n'y a aucun doute que dans les pièces de Corneille, contrairement à ce que l'enseignement de l'université a dit, la femme est quelquefois plus masculine que l'homme. Mais je n'ai pas dit que toutes les femmes de Corneille. Et au contraire, je reconnais que des femmes comme Camille dans Horace, c'est peut-être la plus belle amoureuse que nous ayons dans tout le théâtre, elle n'a rien d'insupportable, sinon qu'elle est trop amoureuse. Eurydice. Oui, que nous avons Eurydice, nous avons Lysis, qui en effet est un personnage très important. Mais vous avez tout de même quelques femmes dans le théâtre de Corneille qui sont insupportables, par exemple la Pulchérie d'une des dernières pièces, n'est-ce pas ? Il est certain que par rapport à l'homme, ce sont des personnages presque odieux, n'est-ce pas ? De volonté, d'autoritarisme. Vous avez aussi dans Tite et Bérénice, vous avez une femme admirable, c'est Bérénice, mais vous avez sa comparse, qui s'appelle Domitie. Eh bien, c'est vous avez encore Sophonisbe dans Sophonisbe. Vous avez même Rodelinde dans cette pièce qui a tombé, qui s'appelle Bertharite. Vous avez ces femmes qui sont vraiment presque de belles inhumaines, comme étaient certaines personnes du temps de la Fronde. Mais ceci dit, je reconnais qu'il y a des femmes qui sont absolument admirables dans le théâtre, quand ce ne serait que Pauline, qui est la femme par excellence, et la plus belle de toutes les femmes, d'ailleurs, et la plus humaine, n'est-ce pas ? Michel Echeverry, dans votre conception du personnage d'Auguste, vous prenez le parti, au fond, de dire que Auguste, dès le départ, est condamné à la clémence. Il lui reste à la découvrir. Je voudrais reprendre plusieurs termes. D'abord, d'abord, le premier, c'est celui de conception, parce que je ne pense pas en avoir. De toute façon, j'ai trop peur, au moment où le rideau se lève, pour avoir la moindre préméditation dans ce que je vais faire. Je ne sais pas du tout ce qui va sortir. Mais enfin, j'ai prévu quand même, évidemment, une certaine forme de parcours. Je ne crois pas qu'il soit condamné à la clémence. Ça, je ne le crois pas, parce que ce serait aussi... Alors là, si vous voulez, il y aurait une prédestination, et ça mettrait un sens à la pièce. Je ne crois pas, mais il y a un moment où le terrain... devient meuble, si vous voulez, et on peut y déposer cette petite graine, et elle va tout d'un coup là éclore avec une importance. Mais au départ, il n'est pas du tout fait pour la clémence, ça je ne crois pas, car il est méchant, car j'ai oublié de dire ça, il est très profondément, mais très foncièrement méchant. Cruel. Et il l'est, oui, avec une cruauté qu'il a montrée, une cruauté d'ailleurs qu'il a envers lui-même, puisqu'il y a un moment dans son monologue où il se plaît à faire vraiment le catalogue de tous les crimes, en disant, après tout ce que j'ai fait, je ne vois pas pourquoi les autres n'en feraient pas autant. Ce qui n'empêchera pas qu'au moment où il est au comble de la clémence, où il a pardonné à tout le monde, il va dire, et ça sera un de ses derniers vers, il va dire à Maxime, et que demain l'hymen couronne leur amour, si tu l'aimes encore, ce sera ton supplice. Ce qui vraiment n'est pas très gentil. Car il aurait pu se dispenser, s'il était bon tout d'un coup, et s'il avait comme ça une espèce de grâce Saint-Sulpicienne qui lui soit tombée sur les épaules, il aurait pu se dispenser de dire cette petite méchanceté à Maxime. Mais c'est plus fort que lui, quoi. Il devient clément comme on devient, je ne sais pas moi, comme on a les cheveux blancs, quoi. Mais quand il invite Sina et qu'il lui dit prendre un chef, ah, ça, Sina, je suis sûr, à ce moment-là... Enfin, pour moi, pour mon cheminement intérieur d'acteur, mais encore une fois, là, on peut discuter toujours. Mmh. Pour moi, il est décidé à pardonner. Oui. La phrase de Livy, il l'a en écho, et ça, c'est important, parce que tous les personnages, et Sina d'ailleurs aussi, est poursuivi par une phrase d'Auguste. Il dit à Maxime... Je ne peux pas oublier, j'entends tout le temps, Sina, par vos conseils, je retiendrai l'Empire, mais je le retiendrai pour vous en faire. Il y a une espèce d'obsession des choses qu'on n'a pas eu l'air d'entendre sur le moment et qui ont une espèce de résonance comme ça. Et je suis sûr que la petite phrase de Livy fait son chemin. Comme il y a une phrase de Sina qui a fait son chemin, qui va lui redire au sein, mais tu m'as dit qu'il fallait qu'elle se mette sous les ordres d'un bon maître. Hein? Alors, je crois que cette petite phrase de Livy, comme ça, chemine petit à petit, et que quand il fait venir Sina, il est prêt à pardonner. Et sans calcul. Je veux dire qu'il ne s'agit pas... Il n'est pas question d'un calcul politique. Il peut faire tuer Sina, mais dans les 30 secondes, sans que Rome bouge. n'est-ce pas? Pour moi, c'est une explication possible de ce rappel en arrière. Parce qu'autrement, si c'est pour lui dire, quand je pense que je t'ai fait élever, que je t'ai acheté des costumes, que je t'ai payé une belle voiture, et que maintenant tu fais ça, c'est pas joli de sa part. Mais je crois qu'il veut pardonner. Est-ce qu'il veut Mais il fait passer une sorte d'examen moral, une sorte de baccalauréat spirituel, à Sina. Et il lui dit, voilà ce que tu es. Et tu as toutes les excuses. Voilà ce que j'ai fait. Tu te souviens de tout ça? Et tu veux m'assassiner? Et il attend la réaction de Sina. Il faut dire qu'elle est lamentable. Ça n'est pas du tout la réaction d'un héros, le monsieur qui dit effaré. Moi, j'ai fait ça, alors que depuis 4 actes, il est en train d'essayer de le faire, le pauvre. Et là, je crois qu'Auguste a une petite crise, parce que l'homme qu'il a imaginé n'est pas celui qu'il a sous les yeux en ce moment. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que cette clémence, ce pardon, ne vient pas en partie de sa lassitude? Je ne crois pas. Ça, je ne crois pas du tout. Ce n'est pas politique, j'en suis sûr. Non, mais ce n'est pas sa lassitude non plus. Il a décidé, mais il a une telle habitude des gens. Il a une telle connaissance politique des gens. Il se plaît à voir les gens autour de lui, comment ils réagissent. Et ça, je crois d'ailleurs que c'est la marque d'un chef. Il fait passer des petites épreuves quotidiennes. Est-ce qu'il est toujours bien? Est-ce qu'il est toujours digne de la place que je lui ai donnée? Et là, Sina ne l'est plus. Et ce qui explique, à mon sens, mais c'est toujours ça, un cheminement d'acteur que je ne défendrai pas d'une manière péremptoire, encore que j'y tienne beaucoup et que je suis persuadé que j'ai raison, remarquez. Mais, et sa colère, tout d'un coup, cette espèce de crise de rage qu'il a contre Sina, où vraiment, il lui assène une série de gifles, enfin, où il lui dit « tu n'es rien, rien, rien, rien, rien ». C'est pour voir aussi si ça va bouger, et ça ne bouge plus. Et il dit, bien, tu peux faire ce que tu veux, règne si tu le veux aux dépens de ma vie, ça m'est égal. Car il le redit, tu peux me tuer. Mais il dit, j'ai peur que l'Écosse, les Métels, les Pôles, ça ne marche pas. Parle. Et je crois qu'il y a une espèce de... Mais tu vas être bien ou pas? Et il est bien. Et il dit, je suis Romain. Eh bien maintenant, faites ce que vous voulez. Et comme il est bien, alors là, c'est très curieux aussi la réaction d'Auguste. Il dit, je sais tout, hein. Eh bien, c'est toi qui vas décider ce qu'on va te faire. Si vraiment il avait décidé, lui, de le supprimer, ça serait fait depuis longtemps. Hein? Forbes, je ne suis pas très sûr qu'il soit vivant. Et en tout cas, la petite énumération qui fait des conspirés, ceux-là déjà sont dans les Champs-Élysées. Hein? Ils sont en monôme là-haut, ou en bas, je ne sais pas, mais enfin, c'est sûr. Et il dit, fais ton arrêt toi-même et choisis tes supplices. Ce qui est terrible pour lui, on dirait que je parle un peu égoïstement, mais je pense suivre la pièce quand même, et pas seulement le personnage. Ce qui est affreux, c'est qu'au moment où il a pris cette décision de la clémence, il est d'abord obligé de la donner à quelqu'un qui, vraiment, n'a pas été tout à fait bien. Il n'a pas mérité sa décoration. Et au moment quand même où ça va s'arranger, on vient lui dire, c'est pas tout. Et tout d'un coup, il se tâte, il n'a plus assez de médailles pour tout le monde. Et c'est quand même une respiration. Et là aussi, c'est ambigu. Ces phrases sont d'une ambiguïté terrible. Quand il dit « oui, je vous unirai, couple ingrat et perfide », et puis ça, je pense qu'il y a un peu de rage, parce que là aussi, ils ont fait les bravages tous les deux. Mais c'est là où ils sont bien. Ils font les bravages parce qu'ils sont l'un en face de l'autre. Il dit « c'est moi qui veux ». Ah non, c'est moi. Et ils le font avec une espèce de grandeur qui fait qu'en s'épaulant, ils grimpent tous les deux. Lui, il est bien obligé de suivre. Mais il y a un moment où les Sina et Émilie sont beaucoup plus héroïques qu'Auguste, qui est là et qui assiste à ça, mais presque désarmé. Et il dit « oui, je vous unirai, couple ingrat ». Et que tout l'univers, sachant ce qui m'anime, et personne ne sait à ce moment-là ce qui l'anime, et moi je suis persuadé que c'est la clémence. Ce qui va stupéfier l'univers, c'est quand il y aura un gros titre dans François, Sina et Émilie sont amnistiés. Ça va être la stupéfaction. C'est pour ça que c'est très actuel, mais, la pièce. Alors Maxime arrive et dit, tant mieux, en voilà un bien, et c'est celui qu'il aime le moins. Oui. Car sa première, une de ses réactions dès qu'il a décidé d'être empereur, c'est d'envoyer quand même Maxime en Sicile. Ce qui n'est pas un bon coin, il fait très chaud, mais il le met très loin. Parce que tout ce qu'a dit Maxime sur la politique, c'est un danger. Il voit arriver Maxime et dit, bon, c'est le seul qui me reste. Dieu merci, celui-là aussi. Alors là, je trouve que ça arrange tout. Vous connaissez à l'extrême opposé, n'est-ce pas, de la thèse de Michel Etcheverry, le jugement de Napoléon, n'est-ce pas? Je crois qu'il est quand même pas mauvais pour nos auditeurs de le relire, parce qu'il est assez amusant. C'est ça, il disait « Je crois apprécier Corneille mieux que qui que ce soit, parce que, en le jugeant, j'exclus tous les sentiments dramatiques. Par exemple, il n'y a pas bien longtemps que je me suis expliqué le déroulement de Sina. J'y voyais tout d'abord que le moyen de faire un cinquième acte pathétique, et encore, la clémence proprement dite est une si pauvre petite vertu, quand elle n'est point appuyée sur la politique, que celle d'Auguste, devenue tout d'un coup un prince débonnaire, ne me paraissait pas digne de terminer cette si belle tragédie. Mais une fois, Monvel, en jouant devant moi, m'a dévoilé le mystère de cette grande conception. Il prononça le « Soyons amis, Sinna » d'un ton si habile et si rusé que je compris que cette action n'était que la feinte d'un tyran, et j'ai approuvé comme calcul ce qui me semblait puéril comme sentiment. Et alors il ajoute, il se transforme en metteur en scène, car Napoléon aura donc tout fait, n'est-ce pas ? Il dit « Il faut toujours dire ce vers de manière que de tout ce qu'il l'écoute, il n'y ait que Sinna de trompé. » Bon, mais si vous permettez quand même, parce que ça, je trouve ça passionnant, comme quoi les grands hommes peuvent écrire de grandes sottises. Exactement. Il oublie simplement de dire que si Monvel a joué comme ça, c'est parce que Monvel jouait devant lui. Voilà. Exactement. Et que comme il savait que l'autre n'aimait pas la clémence, il a dit, il faut que je fasse passer ça, autrement ma situation au théâtre français va être compromise, mais dans les 48 heures. C'est sûr. Oui. Et pourquoi n'y aurait-il que Sinna de tromper ? Alors c'est faire de Sinna un sot et un imbécile. Non mais nous ne faisons pas d'autres. À théâtre, université, le jugement de Napoléon. Jean Serge. Eh bien, vous avez parlé de metteur en scène à propos de Napoléon. Je pense que Monvel jouait avec une couronne sur la tête pour avoir l'air d'un empereur. Et l'avantage, c'est que Michel Etcheverry joue Auguste sans mettre de couronne, parce que je pense qu'au moment où le spectateur voit entrer Michel Etcheverry, il fait connaissance avec Auguste au lieu de faire connaissance avec un acteur déguisé. L'Office de Radiodiffusion Télévision Française vous a présenté, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Théâtre et Université, une émission d'Éléonore Kramer. C'était aujourd'hui Sinna, tragédie de Pierre Corneille, jouée au Théâtre Mondory à Barentin dans le cadre du 10e Festival Corneille, avec la distribution suivante. Octave César Auguste, empereur de Rome, Michel Etcheverry, sociétaire de la Comédie Française. L'impératrice Livie, Jacqueline Moran. Sinna, Simon N., de la Comédie Française. Maxime, Stéphane Fay. Émilie, Bérangère d'Autun, de la Comédie Française. Fulvie, confidente d'Émilie, Christiane Vallon. Polyclète, affranchie d'Auguste, Jean-Jacques Le Guen. Évandre, affranchie de Sinna, Jean Péméja. Euphorbe, affranchie de Maxime, Jacques Brunet. Mise en scène de Jean Serge. La Tribune Libre de Théâtre et Université réunissait autour de Philippe de Chartres, Monsieur le Président André Marie, Édouard Lebas, Président du Cercle Pierre et Thomas Corneille, Jean Serge et Michel Etcheverry. Réalisation, Éléonore Kramer.